Donc, juste pour enchaîner, il y avait d'autres questions. Dans les villes ou quartiers assiégés ou libérés, comment assurer les besoins primaires, alimentaires, logement, hygiène? Donc du coup, enfin, comme Taha vient de dire, les conseils locaux, ils ont pris, enfin, le rôle vraiment au départ, c'était en gros l'entraide, la mise en place de plusieurs types de nécessités de base. Et comme il a évoqué avec la fatigue, parce que c'était à la base de la volontariat, c'était dans les premiers mois, on est motivé, après, ben, en fait, ben, on va crever, quoi. Enfin, c'est plus possible parce qu'il n'y a plus de ressources. Ben là, on voit l'intervention de tout ce qui est NGO, de tout ce qui est organisation extérieure, etc. Et c'est là où on voit la perte un peu d'indépendance ou d'autonomie et le changement de dynamique intérieure. Mais ça n'empêche que, enfin, on peut dire ce qu'on veut sur les NGO, mais dans les villes assiégées, par exemple, on avait quand même besoin des convois humanitaires, des médicaments, etc. Donc du coup, en fait, l'entre-aide peut faire, surtout dans des villes assiégées, pourra aller jusqu'à un certain point. Mais après, par exemple, dans des villes comme Yarmouk, qui étaient assiégées pendant très longtemps, les gens ne pouvaient pas se tenir parce que c'était une ville où il n'y avait pas de terre, enfin pas énormément de terre, il n'y avait pas de ressources en fait, alimentaires qui pouvaient soutenir les habitants. Contrairement par exemple au Ghouta, qui était aussi assiégé, mais là en fait, ben, il y avait des terres, il y avait des animaux. En fait, l'environnement a aidé à que les gens pouvaient en fait se tenir beaucoup plus et aussi un peu plus indépendamment que des autres. Et après, juste pour évoquer d'autres exemples de, enfin, gestion un peu de la ville. Dans des villes comme Alep, par exemple, il y avait la création d'une police libre, il y avait, enfin, toute la secteur de médecine, clinique, soins, etc., était repris aussi par les conseils locaux. Et pour la plupart du temps, c'est à la base des volontariats. Et après, pour parler des exemples où en fait, il y avait plus de ressources, plus d'aide. Ben, en fait, les gens, ils étaient juste inventifs, mais par nécessité. On brûlait le plastique pour faire du gaz. Et quand il y avait, par exemple, des situations de famine, ben, on a commencé à manger des plantes, des arbres, des feuilles des arbres. On a commencé à manger, je sais pas, des chats, des chiens. Et du coup, ça, voilà, c'est assez sévère, mais ça, c'était aussi parfois la volonté de certaines personnes, en fait, de dire on va tenir dans des villes assiégées. On refuse en fait qu'il y ait une porte ouverte parce que parfois s'il y a des portes ouvertes, en fait, c'est aussi certains personnels du régime qui vont intervenir ou en fait d'autres groupes. Donc pour garder un peu l'autonomie ou l'indépendance, fallait vraiment, voilà, enfin, résister jusqu'au bout, mais ça impliquait, voilà, faire des choses qu'on fait pas normalement. Et je passe la parole à Rana. En fait, j'aimerais bien parler un petit peu, un tout petit peu, très vite, de la violence du régime. En fait, moi, personnellement, je ne peux pas parler comme quelqu'un révolutionnaire syrien. Je peux le dire clairement comme ça. Parce qu'en fait, moi, j'étais des jeunes qui avaient tellement peur. Parce que en Syrie, manifester égale mourir ou être arrêté. Donc mourir, c'est pour nous, c'était beaucoup mieux qu'être arrêté. Donc je ne peux pas parler de non-révolution, révolutionnaire, je veux dire. J'aimerais bien parler juste un petit peu de cette violence, pourquoi et comment. En fait, en Syrie, il y a tout un système en parallèle. Il y a l'État, et il y a tout un para-État, en fait. C'est tout un système qui est bien fondé à partir des années 60, même avant, l'époque de Nasser et bien après, après aussi, bien sûr, à l'époque de Hafez le père, et qui a, en fait, on a créé tout un système d'auto-observation. Il y avait des gens, on dit qu'en Syrie, qu'il y a un mukhabarat, un agent secret, pour deux Syriens. On dit ça, on dit que les murs, ils nous entendent. C'est vraiment, c'est une ambiance de peur et d'oppression. Et en fait, ce qui s'est passé Dès le début, vous connaissez un petit peu peut-être l'histoire de Hama. On a bombardé dans les années 82. Il y avait une sorte de révolution, mais c'était opprimé très très vite. Et depuis 2011, ce qui se passait, c'est qu'on a nié l'existence de manifestations totalement. À chaque fois qu'il y a une manifestation, on dit à la presse qu'il n'y a rien, non, rien ne se passe. Il y avait 5 personnes qui se sont réunies, et après ils se sont dispersés en paix. Rien ne se passe. Et après, en fait, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis des checkpoints partout, dans les grandes villes surtout. Il y a plusieurs objectifs, bien sûr, c'est surtout les jeunes, avoir voir les cartes d'identité des jeunes, parce qu'en fait c'est connu, il y a des fiches pour toutes les Syriens, presque tous les Syriens, des fiches dans les agences secrètes. Et donc on connaît les familles qui sont manifestants à départ. Et donc c'est une façon aussi de prendre ces gens-là, d'arrêter les gens. Il y avait on connaissait un peu par Facebook les gens qui faisaient les coordinations entre eux. Et on a arrêté ces gens-là. Il y a des voitures qui viennent dans un quartier, qui s'arrêtent, qui interdisent les gens de passer. Ils prennent une personne et ils s'en vont. Ça prend une heure, une demi-heure parfois. Mais c'est vraiment une ambiance de violence extrême. Après, bien sûr, on a tiré à balles réelles aux manifestations. Dans les grandes villes où les régimes s'intéressent plus, comme Damas par exemple, les manifestations ne duraient que 5 minutes. En fait, 5 minutes vraiment, et les gens après ils courent pour fuir les agents de sécurité. Et on empêchait les gens qui essayaient de venir de la banlieue au centre-ville, on les a empêchés d'arriver. Et aussi, il y a tout un travail dans les médias sur le complot, sur les rumeurs. Tout un travail pour dérober, pour dire qu'il n'y a pas de révolution, que c'est que des gens vraiment terroristes, armés dès le début. Et tout, c'est tout un travail, en fait. Donc, je ne peux pas trop parler de ça. Juste, en fait, j'ai aimé dire ces quelques éléments. Et merci. Merci de m'écouter. Oui, donc ça c'était juste pour parce que on a posé la question des techniques, les techniques que le pouvoir a utilisées au-delà de la répression pour déstabiliser le mouvement. Donc et la dernière question à laquelle on va répondre, c'est le rôle des femmes. Et pour commencer, on peut dire que les femmes avaient deux défis. Déjà, le patriarcat social, incarné par un peu tous les hommes, mais aussi, enfin, surtout par des proches, par des membres de famille. Mais aussi la répression du régime. Mais pour vous donner une idée, il y avait près de 14 000 femmes détenues ou disparues entre 2011 et 2016. Donc, ça, c'est un petit indice pour dire que les femmes étaient quand même bien dans la rue. Enfin, ça, c'est les femmes qui étaient détenues parce qu'ils ont manifesté ou participé à l'organisation des manifestations. Il y a d'autres cas de... Enfin, ça, c'est un chiffre qui est précis que pour ça. Il y a d'autres raisons pour détenir les femmes. Et il faut aussi préciser, en fait, que les femmes qui ont participé, ce n'était pas forcément que des jeunes, que des activistes, que des militantes. Il y avait quand même une diversité. Par exemple, les maires, à un moment donné, elles ont dû quand même descendre dans la rue pour assurer la sécurité de leurs gamins. Et quand on parle des femmes syriennes dans la révolution, il y a plusieurs icônes ou des noms très connus, parmi lesquels Fadwas Suleiman, qui était oratrice dans la ville de Homs, où il y avait parmi les plus grandes manifestations. Qui s'est exilé à Paris et qui est mort il n'y a pas très longtemps. Il y a aussi Razan Zeytoun, qui était avocate et en fait dissidente politique bien avant la révolution, qui a défendu les dissidents politiques, les prisonniers politiques en Syrie. Et en fait, la première comité de coordination locale en 2011 était co-créée par elle et avec, avec d'autres militants, militantes, enfin militants et militantes. Le but de cette comité, c'était en fait déjà l'autocommunication. Comme il y avait un blackout médiatique total en Syrie, en fait, enfin, il n'y avait pas des journalistes, ni freelance, ni indépendants, d'ailleurs, ni de pays arabes ni de l'extérieur qui pouvaient s'y rendre. Donc, du coup, c'était très important de pouvoir sortir l'information. Malheureusement, Rezan Zeytouni était enlevé par un groupe armé islamique dans la ville d'Oudouma. La ville d'Oudouma qui a été libérée, où elle est avec Samira Khalil, une autre militante syrienne qu'ils ont vécu pendant, pendant des mois et qu'ils ont participé justement aussi à le conseil local là-bas. Mais là, j'aimerais bien en fait concentrer sur d'autres expériences sans forcément parler des icônes ou des noms très connus. Après, il faut dire qu'avec l'intensification de la violence, c'était de plus en plus difficile de sortir dans la rue et de manifester. Donc du coup, là, les activités se sont concentrées plutôt sur le secours, sur le soin. Mais aussi, avant de parler de l'aspiration de la violence, il y a un exemple quand même très bien de l'autodéfense. Il y avait en fait une groupe des étudiantes syriennes dans la fac d'Alep qui s'appelait Les Torches et qui se formaient en groupe d'autodéfense féminine et qu'ils ont utilisé en fait un peu le regard patriarcal pour libérer leurs camarades de mecs, en gros, dans les manifestations. Du coup, ils avaient des petits gaz, ils avaient des bâtons, et qui, entre guillemets, blaguaient avec les policiers, en mode, non, mais si on mon fiancé, tu peux pas le détenir. En gros, ils jouaient un peu sur le regard le regard un peu méprisant des femmes pour en fait faire l'autodéfense de leurs camarades mecs. Mais du coup, pour revenir à l'identification de la violence, et un peu dans cette même logique d'utiliser le regard méprisant des femmes, les militantes, en fait, ils avaient un rôle très important pour faire passer dans des endroits assiégés des médicaments d'aide, ou même faire passer des médecins ou des médecines, parce qu'ils étaient relativement moins contrôlés et checkés. Et après, on peut évoquer les constitutions, des créations des groupes exclusivement féminines, par exemple dans la ville de Salamié, où on commençait à faire des sit-in dans la maison, parce qu'on ne pouvait plus forcément aller manifester. Donc du coup, on faisait des sit-in dans la maison, on faisait des vidéos avec un communiqué qui circulait sur les réseaux sociaux. Donc du coup, c'était un moyen pour dire, on est quand même présent, on est avec vous, même si on ne peut pas être forcément dans la rue. Et ce groupe à Salémie, par exemple, leur action était quand même pas mal axée sur la libération des détenus et aussi de l'entre-aide avec les femmes dont les hommes étaient détenus pour les enfants. Donc du coup, il y avait des cours d'anglais, d'éducation, mais aussi des réflexions sur la justice transitionnelle, la démocratie, etc. Et bien sûr, des ateliers de banderoles faits maison. Il y avait, dans une ville, c'était vraiment connu d'avoir, tous les pancarts et les banderoles étaient faits par les femmes. Un autre exemple d'une groupe exclusivement féminine, c'était dans la ville de Daraya, où là, en fait, on a commencé aussi à faire des manifestations exclusivement féminines. Ça, c'était plutôt au début de la révolution, avant l'intensification de la violence, parce qu'on s'est dit que, les vendredis, c'est le jour où on manifestait en Syrie, les vendredis, il y a les manifestations où il y a tout le monde, mais nous aussi, on va faire des manifestations qu'entre femmes, dans un autre jour dans la semaine, pour amplifier le rythme. D'ailleurs, ce qui était passé parfois, c'est quelques dimanches ici avec les Gilets jaunes. Dans le même groupe, ils avaient pareil un club populaire en fait, un peu encore comme ici, des campagnes de graffiti, formation de soins infirmières, etc. Et je vais terminer par évoquer encore deux exemples. Et là, c'est plutôt en fait où on peut voir où, au-delà d'aider à la mobilisation ou à l'organisation, il y avait deux instances, peut-être pas très représentatives, mais quand même, où des femmes ont eu quand même un poids dans la prise de décision ou dans les négociations. à Bagnas, à travers une groupe particulièrement des femmes. En fait, elles ont négocié de la libération de certains prisonniers politiques. Et à Zabadani, encore une autre groupe, aussi un groupe majoritairement des femmes, ont réussi à négocier un trêve, un cessez-feu, pour faire entrer des aides. Et le dernier exemple, pour le coup, ce n'est pas un groupe de femmes, c'est une femme, peut-être pas très connue et pas forcément une icône. C'est dans la ville de Raqqa, du coup en 2013, avec l'arrivée de l'État islamique. Elle manifestait toute seule, chaque jour, pendant 2 mois. Enfin, chaque jour ou chaque semaine, je ne sais pas. Mais pendant 2 mois, elle faisait des pancartes, elle était dans la rue, elle dénonçait tout type de trucs, elle dénonçait l'État islamique, elle faisait des appels à la solidarité, à l'alliance avec les chrétiens, mais aussi d'autres minorités. Bon, évidemment, elle n'a pas pu rester très longtemps, enfin, elle n'a pas pu continuer très longtemps, elle a dû quitter la Syrie. Et peut-être fallait pas forcément terminer comme ça, mais il faut juste souligner que, bon, de résister en Syrie, ça coûte très cher, mais encore plus pour les femmes, parce que il y avait quand même parmi les outils de répression contre les femmes, c'était quand même la viol systématique et de masse, que ce soit dans les prisons ou pendant les campagnes où le régime a repris des territoires, parce que là, juste, on rentrait dans la maison et voilà, on sentait libre de faire ce qu'on voulait. Il y a un documentaire là-dessus que je... Bon, enfin, faut le voir, si ça intéresse quelqu'un, il faut le voir. Ça s'appelle Le cri étouffé. Si... Je sais pas si... des questions aussi, petits groupes ou enfin